Chapitre 5 Santa Fe. Après avoir employé une semaine à gravir les montagnes rocheuses, nous descendîmes dans la vallée du Del Norte, et nous atteignîmes la capitale du Nouveau-Mexique, la célèbre ville de Santa Fe. Le lendemain, la caravane elle-même arriva, car nous avions perdu du temps en prenant la route du sud, et les wagons, en traversant la passe de Raton, avaient suivi la voie la plus rapide. Nous n'eûmes aucune difficulté relativement à l'entrée de notre convoi, moyennant une taxe de $500 d'Alcavala. Pour chaque wagon, c'était une extorsion qui dépassait le tarif, mais les marchands étaient forcés d'accepter cet impôt. Santa Fe est l'entrepôt de la province et le chef-lieu de son commerce. En l'atteignant, nous fîmes halte et établîmes notre camp hors des murs. Saint-Vrain, quelques autres propriétaires et moi, nous nous installâmes à la Fonda, où nous cherchâmes, dans le délicieux vin d'El Paso, l'oubli des fatigues que nous avions endurées à travers les plaines. La nuit de notre arrivée se passa tout entière en festin et en plaisir. Le lendemain matin, je fus éveillé par la voix de Mons Godet, qui paraissait de joyeuse humeur et chantonnait quelques fragments d'une chanson de batelier canadien. « Ah, monsieur, m'écria-t-il, en me voyant, éveillé aujourd'hui ce soir, il y a le Grand Function, un bal, ce que les Mexicains appellent le fandango. C'est très beau, monsieur, vous aurez bien un grand plaisir à voir un fandango mexicain. Non, God, mes compatriotes ne sont pas aussi grands amateurs de la danse que les vôtres. C'est vrai, monsieur, mais un fandango, ça mérite d'être vu. » Ça se compose de toutes sortes de pas, le boléro, la valse, la cuna, et beaucoup d'autres, le tout mélangé de punchero. Allez, monsieur, vous verrez plus d'une jolie fille aux yeux noirs, avec des tricks courts. Ah, diable, de tricks courts. Comment appelez-vous cela en américain? Je ne sais pas de quoi vous voulez parler. Cela, monsieur. Et il me montrait la jupe de sa blouse de chasse. Ah, pardieu, je le tiens, petite coes, de tricks courts, petite coes. Ah, vraiment, vous verrez ce que c'est qu'un fandango mexicain. Las niñas de Durango, conmigo bailandas, ah cielo saltandas, en el fandango. Ah, voici monsieur de Saint-Vrain, il n'a sans doute jamais vu un fandango. Sapristi, comme monsieur danse, comme un vrai maître de ballet, mais il est de Sangre, de sang français. Vraiment, voyez donc. Ah cielo saltandas, en el fandango. Oh, hey God, monsieur, cours à la cantine et demande, prends à crédit, achète ou chip une bouteille de meilleur passo. Faut-il essayer de la chipper, monsieur Saint-Vrain? Demanda God avec une grimace significative. Non, vieux coquin de Canadien, paie-la, voilà de l'argent. Du meilleur passo, tu entends? Frais et brillant, maintenant, vaya. Bonjour, mon brave dompteur de Buffalo, encore au lit, à ce que je vois? J'ai une migraine qui me fend la tête. Ha ha ha, c'est comme moi tout à l'heure. Mais God est allé chercher le remède. Poil de chien guérit la morsure. Allons, en bas du lit. Attendez au moins que j'ai pris une dose de votre médecine. C'est juste, vous vous trouverez mieux après. Dites-moi, comment vous trouvez-vous des plaisirs de la ville, hein? Vous appelez cela une ville? Mais oui, c'est ainsi qu'on la nomme partout. La Ciudad de Santa Fe, la fameuse ville de Santa Fe, la capitale de Nuevo México. La métropole de la plaine, le paradis des vendeurs, des trappeurs et des voleurs. Et voilà le progrès accompli dans une période de 300 ans. En vérité, ce peuple semble à peine arrivé aux premiers échelons de la civilisation. Dites plutôt qu'il en a dépassé les derniers. Ici, dans cette oasis lointaine, vous trouverez peinture, poésie, danse, théâtre et musique, fêtes et feux d'artifice, tous les raffinements de l'art et de l'amour qui caractérisent une nation en déclin. Vous rencontrerez en foule des Don Quichotte, soi-disant chevaliers errants, des Roméo moins le cœur et des bandits moins le courage. Vous rencontrerez toutes sortes de choses avant de vous croiser avec la vertu ou l'honneur. Hola, muchacho! Qui est-ce, seigneur? Avez-vous du café? Si, seigneur. Apportez deux tasses, dos tazas, entendez-vous, et leste, aprisa, aprisa. Si, seigneur. Ah, voici le voyageur canadien. Eh bien, vieux Nord-Ouest, apportes-tu le vin? C'est un vin délicieux, monsieur Saint-Vrain. Ça vaut presque les vins français. Il a raison, à l'air. Stap, stap. Délicieux. Vous pouvez le dire, mon cher God. Stap, stap. Allons, buvez. Cela va vous rendre fort comme un buffalo. Voyez. Il pétite comme de l'eau de Seltz. Comme fontaine qui bouille. Et God. Note 1. Nom d'une localité où il y a des eaux gazeuses, aux États-Unis. Oui, monsieur. Absolument comme fontaine qui bouille. Parbleu, oui. Buvez, mon ami. Buvez. Ne craignez pas ce vin-là, c'est pur jus de la vigne. Sentez cela, humez ce bouquet. Dieu, quel vin! Les Yankees tireront un jour de ces raisins du Nouveau-Mexique. Et quoi, croyez-vous que les Yankees aient des vues sur ce pays? Si je le crois, je le sais. Et pourquoi pas? À quoi peut servir cette race de singes dans la création? uniquement à embarrasser la terre. Eh bien, garçon, vous avez apporté le café ? Ya esta, señor. Allons, prenez-moi quelques gorgées de cette liqueur, cela vous remettra sur pied tout de suite. Ils sont bons pour faire du café, par exemple. Les Espagnols sont passés maîtres en cela. Qu'est-ce que ce fandango, nos godes, m'a parlé ? Ah, c'est vrai. Nous allons avoir une fameuse soirée. Vous y viendrez sans doute ? Par pure curiosité. Très bien, votre curiosité sera satisfaite. Le vieux coquin de gouverneur doit honorer le bal de sa présence et, dit-on, sa charmante signora, mais je ne crois pas que celle-ci vienne. Et pourquoi pas ? Il a trop peur qu'un de ces sauvages americanos ne prenne fantaisie de l'enlever en croupe. Cela s'est vu quelquefois dans cette vallée. Par Sainte Marie, c'est une charmante créature, continua Saint-Vrain, se parlant à lui-même, et je sais quelqu'un. Oh, le vieux tyran maudit, pensez-y donc un peu. À quoi ? Mais à la manière dont il nous a traités. $500 par wagon, et nous en avions 100. En tout, $50,000. Mais est-ce qu'il empoche tout cela ? Est-ce que le gouvernement ? Le gouvernement n'en touche pas un centime. C'est lui qui est le gouvernement ici. Et grâce aux ressources qu'il tire de ses impôts, il gouverne les misérables habitants avec une verge de fer. Pauvre diable. Et ils le haïssent, je suppose. Lui et les siens, Dieu sait s'ils ont raison. Pourquoi donc alors ne se révoltent-ils pas ? Cela leur arrive quelquefois. Mais que peuvent faire ces malheureux ? Comme tous les tyrans, il a su les diviser et semer entre eux des haines irréconciliables. Mais il ne me semblait pas qu'il ait une arme bien formidable. Il n'a point de garde du corps. Des gardes du corps, s'écria Saint-Vrain en m'interrompant. Regardez dehors, les voilà, ces gardes du corps. Indios bravos, les Navarros, exclama God au même instant. Je regardais dans la rue une demi-douzaine d'Indiens drapés dans des serapés rayés passer devant l'auberge. Leur regard sauvage, leur démarche lente et fière, les faisait facilement distinguer des Indios malzos, des Pueblos porteurs d'eau et bûcherons. Sont-ce des Navarros ? Demandai-je. Oui, monsieur, oui, reprit God, avec quelque animation. Sacre des Navarros, de véritables et damnés Navarros. Il n'y a pas à s'y tromper, ajouta Saint-Vrain. Mais les Navarros sont les ennemis déclarés des nouveaux Mexicains. Comment sont-ils ici, prisonniers ? Ont-ils l'air de prisonniers ? Certes, on ne pouvait apercevoir aucun indice de captivité, ni dans leurs regards, ni dans leurs allures. Ils marchaient fièrement le long du mur, lançant de temps à autre sur les passants un coup d'œil sauvage, hautain et méprisant. Pourquoi sont-ils ici alors ? Leur pays est bien loin, vers l'ouest. C'est là un de ces mystères du Nouveau-Mexique, sur lequel je vous donnerai quelques éclaircissements une autre fois. Ils sont maintenant sous la protection d'un traité de paix qui les lie, tant qu'il ne leur convient pas de le rompre. Quant à présent, ils sont aussi libres ici que vous et moi. Que dis-je ? Ils le sont bien davantage. Je ne serais point surpris de les rencontrer ce soir au Fandango. J'ai entendu dire que la Navarros était cannibale. C'est la vérité. Observez-les un instant. Regardez comme il couvre des yeux ce petit garçon joufflu, qui paraît instinctivement en avoir peur. Il est heureux pour ce petit drôle qu'il fasse grand jour. Sans cela, il pourrait bien être étranglé sous une de ses couvertures rayées. Parlez-vous sérieusement, Saint-Vrain ? Sur ma parole, je ne plaisante pas. Si je me trompe, God en sait assez pour pouvoir confirmer ce que j'avance. Hé, voyageur ! C'est vrai, monsieur. J'ai été prisonnier dans la nation. Non pas chez les Navagues, mais chez les damnés d'Apache. C'est la même chose. Pendant 3 mois, j'ai vu les sauvages manger, hit, 1, 2, 3 enfants, rôtis comme si c'était des bosses de buffle. C'est vrai, monsieur, c'est très vrai. C'est la vraie vérité, les Apaches et les Navarros enlèvent des enfants dans la vallée. Ici, lors de leurs grandes expéditions, et ceux qui ont été amenés de s'en instruire assurent qu'ils les font rôtir. Est-ce pour les offrir en sacrifice au dieu féroce Quetzalcoatl ? Est-ce par goût pour la chair humaine ? C'est ce qu'on n'a pas encore bien pu vérifier. Bien peu parmi ceux qui ont visité leur ville ont eu comme God la chance d'en sortir. Pas un homme de ce pays ne s'aventure à travers la Sierra de l'Ouest. Et comment avez-vous fait, monsieur God, pour sauver votre chevelure ? Comment, monsieur ? Parce que je n'en ai pas. Je ne peux pas être scalpé. Ce que les trappeurs yankees appellent hure, ma chevelure, est de la fabrication d'un barbier de Saint-Louis. Voilà, monsieur. En disant cela, le Canadien ôta sa casquette, et avec elle, jusqu'à ce que ce moment, j'avais pris pour une magnifique chevelure bouclée, était une perruque. « Maintenant, messieurs, s'écria-t-il d'un ton de bonne humeur, comment ces sauvages pourraient-ils prendre mon scalp ? Les Indiens damnés n'en toucheront pas la prime sacrée. » Saint-Vrain et moi ne pûmes nous empêcher de rire à la transformation comique de la figure du Canadien. « Allons, God, le moins que vous puissiez faire, après cela, c'est de boire un coup. Tenez, servez-vous. »« Très obligé, monsieur Saint-Vrain, je vous remercie. » Et le voyageur, toujours altéré, avala le nectar d'El Paso comme il eût fait d'une tasse de lait. « Allons à l'air. » Il faut que nous allions voir les wagons. Les affaires d'abord, le plaisir après. autant du moins que nous pourrons nous en procurer, au milieu de ces tas de briques. Mais nous trouverons de quoi nous distraire à Chihuahua. Vous pensez que nous irons jusque-là? Certainement. Nous n'aurons pas acheteurs ici pour le quart de notre cargaison. Il faudra porter le reste sur le marché principal. Au camp, allons !